Nathalie. Oui. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Nathalie, chaque fois moi vois où qu'elle moi qu'a déchiré. L'odeur a parfum à où qu'a fait moi voyager loin. L'air où qu'a marché en qu'a gardé au passé. Juste en où disparaît image à où en tête en moi. Nathalie, ou c'est tout pour moi, elle est moi qui vit bien tous les jours. En que dire des six mots tout, et puis vous, en pas quoi qu'elle vit en moi qui est inutile. Nathalie, ou c'est tout espoir en vie en moi. Nathalie, doudou. Que dire de ti mon cool et puis vous à qu'à sentir moins loin de paraître tourner Nathalie ou sans réaction sans finition bébé bébé bébé oh bébé Nathalie bébé de ti mon doux. Nathalie, chérie, fais-moi bonjour, bébé. Bipa, tu es mignon, Nathalie.